Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. De faillite en faillite, une histoire de la Grèce. En 1854, le journaliste et écrivain Edmond Abou consacre un ouvrage à la Grèce contemporaine, un ouvrage plusieurs fois édité. C'est dire combien la Grèce intéresse et intrigue. Il le dit clairement, la Grèce est le seul exemple connu d'un pays vivant en pleine banqueroute depuis le jour de sa naissance. Sa naissance, en l'occurrence, c'est 1830, après 10 ans de guerre d'indépendance. Il ajoute, si la France et l'Angleterre se trouvaient seulement une année dans cette situation, on verrait des catastrophes terribles. La Grèce a vécu plus de 20 ans en paix avec la banqueroute. Il en cherche les raisons, il dit, mais non, l'impôt ne rentre pas. D'ailleurs, parfois, l'impôt est en nature. L'impôt ne rentre pas, l'État dépense trop, le pays vit d'aide et d'emprunt. Que de constantes dans l'histoire de la Grèce. Sophie Boutillier, bonjour. Bonjour. Au moment d'évoquer l'histoire de la Grèce, nous avons 1821, le début de la Révolution, 1822, la proclamation de l'indépendance. Il faut attendre 1830 pour que l'État naisse. Mais avant même la naissance de l'État grec, l'État grec est en banqueroute, est déjà endetté. Oui, effectivement, dès sa naissance et même avant sa naissance, l'État grec est endetté. Mais je pense que par rapport à cela, on ne peut pas, disons, s'arrêter à des lieux communs pour essayer de comprendre la situation économique de la Grèce dès sa fondation. Et justement, en relation avec l'émission d'hier sur le processus d'indépendance, et justement, il a bien été souligné qu'il s'agit d'un processus, qu'il n'y a pas une date véritablement qui acte donc la création de l'État de la Grèce moderne, la création de l'État de la Grèce moderne, mais bien un processus. Et donc par rapport à ça, d'emblée, le nouveau territoire donc qui est consacré comme étant, on va dire, le territoire de la Grèce moderne, n'est pas viable économiquement. Manque de ressources matérielles, humaines, et donc dans ces conditions, disons, la Grèce n'est pas en capacité de créer des ressources pour assurer la subsistance de sa population. Et puis, bien sûr, de l'autre côté, il y a le poids très important de ce qui va devenir les puissances protectrices, donc principalement la France, l'Angleterre et la Russie, qui... là aussi, on l'a vu hier dans l'émission, ne s'entendent pas toujours forcément. Chacune défend ses intérêts. Et puis, ces grandes puissances vont aussi, en tout cas les banques hein, de ces pays, profiter de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve le gouvernement grec, un petit peu avant sa création. Et aussi, bien sûr, largement après. Vous avez évoqué, Sophie Boutillier, cette idée de processus et même de structure après 400 ans de domination ottomane. Le pays, le territoire qui devient la Grèce n'a pas les structures économiques, n'a pas non plus une élite suffisante, une élite économique pour entrer de plein pied dans l'économie européenne du 19e siècle. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors que justement, dans l'Empire ottoman, hein, l'activité commerciale était largement le fait des élites grecques, arméniennes et juives. Dans cette petite Grèce, puis de toute façon, le pays est tellement petit, la population pauvre, elle vit à plus de 95% de l'agriculture. Donc, dans ces conditions-là, sur quel marché peut s'appuyer une élite commerçante et entreprenante pour générer une activité économique au sein donc de ce territoire, hein. Le territoire n'est pas viable économiquement. Et puis d'emblée, il y a vous l'avez souligné en début d'émission, et puis c'est très connu, il y a cette spirale de l'endettement, de l'incapacité donc de l'économie grecque à générer des ressources. Et donc, sur plusieurs décennies et encore aujourd'hui, la Grèce sera contrainte à l'endettement pour rembourser ses prêts avec des conditions aussi de plus en plus drastiques et puis imposées par les banques. Et ça se limite pas à l'économie, ça touche aussi aux politiques, puisque les grandes puissances vont imposer à la Grèce un régime politique et un monarque, hein, puisque à partir des années 1830, ce ne sera pas un Grec qui va gouverner la Grèce, mais un Bavarois. imposé par les grandes puissances. Ce Bavarois s'appelle Othon. La Grèce renaît alors sous la forme d'un petit pays de 750 000 habitants. Et pendant plus d'un siècle, le peuple va s'attacher à conquérir ses anciennes terres perdues afin de rassembler son peuple dispersé dans tout l'Orient. Othon de Bavière, le fils de Louis Ier de Bavière, devient roi de Grèce, imposé par les trois puissances protectrices, la France, la Russie et l'Angleterre. Il prend le nom d'Othon Ier. Mais il s'attire l'animosité de ses sujets en écartant du pouvoir les vétérans de la guerre d'indépendance, et en 1862, une insurrection le renverse. L'Angleterre offre alors la couronne au beau-frère du prince de Galles, le prince Guillaume de Danemark, qui devient Georges Ier. En 1864, il négocie la cession par l'Angleterre des îles Ioniennes à la Grèce. Avant même tout développement économique, d'ailleurs rapidement confié aux alliés étrangers, la volonté première des Grecs était alors bel et bien de reconstituer leur État. En 1994, la deuxième chaîne de la télévision française s'intéressait à la naissance de la Grèce. Et avec nous dans le cours de l'histoire aujourd'hui, Olivier Delorme, bonjour. Bonjour Laurent Mauduy. À Xavier. Bonjour depuis la mer Égée, puisque je vous parle de ce pays où j'habite désormais. Ça fait du bien d'avoir un peu d'air grec avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous êtes écrivain historien et vous regardez l'histoire de cette partie de la Méditerranée sur le temps très long, parce que vous avez publié La Grèce et les Balkans du 5e siècle à nos jours. Ce sont trois volumes chez Folio Gallimard. C'est une œuvre juste pour évoquer ce temps long. Au moment de parler d'un pays dès sa naissance en banqueroute, il faut expliquer combien, en fait, les indépendantistes grecs ont eu besoin d'argent extérieur pour la guerre. Donc, dès le début, il a fallu des aides et des emprunts. Oui, vous savez, Victor Hugo écrit L'Enfant grec à propos des massacres de Chios. Et il dit, l'enfant grec, donnez-lui de la poudre et des balles. Mais on les lui a pas donné, on ne leur a pas donné cette poudre et ces balles, on le leur a vendu. Et donc, le premier acte de l'Angleterre, quand elle change de politique et qu'elle devient favorable au soulèvement grec en 1823, c'est d'autoriser les Grecs, déclarés belligérants et non plus rebelles, de lever un emprunt public à Londres de 800 000 livres. Et cet emprunt public, il y en aura d'autres durant la guerre, ce qui fait que le pays naît effectivement endetté. Et alors vous parlez d'Othon Ier, mais les puissances, avant d'offrir la couronne à Othon de Bavière, l'avaient offert à Léopold de Saxe-Cobourg, qui va devenir roi des Belges avec la révolution de 1830. Et Léopold refuse la couronne de Grèce. Il refuse la couronne de Grèce parce qu'il dit, comme l'a dit Sophie Boutillier tout à l'heure, ses frontières ne sont pas viables. Et deuxièmement, il dit, ce pays est trop endetté pour pouvoir se développer. Et donc, si vous voulez que j'accepte la couronne, il faut lui donner des frontières viables et il faut réduire sa dette, il faut annuler la dette de guerre pour que je puisse prendre la tête d'un pays qui ait des finances saines et qui puisse, comme on pourrait dire, partir d'un bon pied. Or, ni la France, ni surtout l'Angleterre, ni la Russie ne veulent annuler cette dette à ce moment-là. Et donc, la Grèce naît avec ce boulet au pied. Il faut voir, n'est-ce pas, que cette dette, elle a servi tout au long de l'histoire grecque à imposer aux Grecs une espèce de souveraineté limitée, comme on disait dans le bloc soviétique après 1945. Et notamment, dès les années 1830, c'est un Français qui est nommé au contrôle des finances grecques. Et puis, comme vous le disiez, Othon, il gouverne avec des Allemands qui sont à la tête du pays, et les Grecs, le gouvernement grec, n'est qu'une courroie de transmission des volontés de la cour bavaroise, des conseillers bavarois du roi, et l'impôt des Grecs sert à l'époque essentiellement à payer des mercenaires bavarois. C'est-à-dire qu'on va on va lever un impôt sur les Grecs qui se sont soulevés pour conquérir leur indépendance, et on va licencier les combattants grecs de l'indépendance pour engager des mercenaires bavarois qu'on va payer avec l'impôt des Grecs. Donc vous voyez que cette histoire d'Edmond Habou, qui est passé du philhellénisme au misellénisme, et qui est clairement un auteur misellène, c'est-à-dire qui n'aime pas cette Grèce, cette Grèce nouvelle. Et donc on a cette laisse financière qui va empêcher les Grecs d'avoir une réelle indépendance. Les Grecs appellent cette période la xénocratie, c'est-à-dire le pouvoir des étrangers. Le pouvoir des étrangers, Sophie Boutillier, une question se pose malgré tout. Pourquoi ces puissances européennes, la France, le Royaume-Uni, la Russie, aident la Grèce? Pourquoi envoyer de l'argent? Alors, c'est pour avoir les intérêts après ou simplement pour avoir une domination sur ce territoire? C'est quand même un processus assez complexe, à mon avis. Hein, il y a d'un côté... comme ça a bien été souligné, des intérêts économiques et financiers. Hein, donc aussi, on prête de l'argent aux Grecs pour qu'ils achètent des armes. Donc ça constitue aussi des débouchés pour les pays prêteurs. D'un autre côté aussi, la Grèce, comme elle n'est pas viable économiquement, elle doit acheter aussi à l'étranger ce dont elle a besoin. Hein, donc là aussi, c'est un processus bien connu hein, qui existe encore aujourd'hui, hein, donc de prêter de l'argent pour créer des marchés. Et puis, de l'autre côté, ces trois grandes puissances qui vont se déclarer comme étant donc, les puissances protectrices de la Grèce, ont chacune des intérêts particuliers à défendre dans les Balkans. Et ce qu'il faut bien aussi se rappeler, ça a été souligné notamment dans la mission d'hier, c'est que la géopolitique du 19e siècle, c'est une géopolitique d'empire. On a l'Empire britannique, l'Empire français, les Russes, et puis bien sûr l'Empire ottoman. Et par rapport à ce processus, donc la Grèce sera le premier pays. Le 19e siècle, c'est aussi l'affirmation progressive des États-nations. Le même processus se déroule à peu près au même moment en Amérique latine. Donc, le premier pays, ou le premier peuple, je ne sais pas quel est exactement le mot qui convient, qui se soustrait de la dépendance ottomane, tout en étant, bien sûr, on l'a déjà souligné depuis le début de l'émission, qu'une petite partie du territoire actuel de la Grèce, qui est indépendant, puisque toute la partie nord et continentale fait encore partie de l'Empire ottoman. Et ça, il faudra encore bien des conflits, bien des discussions pour que la Grèce arrive à la situation qu'on lui connaît aujourd'hui. Ce que vous rappelez là est essentiel aussi pour saisir la raison qui explique cette dette continue, parce que la Grèce est sans cesse en guerre pour récupérer ses territoires. Oui. Dites-nous, Olivier Delorme, au moment d'écrire la Grèce et les Balkans, ne pas s'arrêter à la Grèce est très pertinent, parce que c'est toujours une histoire internationale que l'histoire grecque. Oui, la Grèce est victime de sa position géopolitique au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, puisque... Encore aujourd'hui, elle est obligée de soutenir un effort militaire totalement disproportionné par rapport à ses moyens en raison de l'agressivité permanente de la Turquie. Donc, si vous voulez, vous avez un jeu géopolitique qui est extrêmement, qui la désavantage et qui lui donne une importance disproportionnée par rapport à son importance et à sa vie économique. Notamment le débouché des fameux détroits, le Bosphore et les Dardanelles. Vous comprenez, toute l'histoire du 19e siècle de la Russie vise à avoir un accès aux mers chaudes. Et donc cet accès, on peut l'avoir par la mer Noire et la Méditerranée, mais il faut passer ces deux détroits du Bosphore et des Dardanelles qui sont sous le contrôle du sultan ottoman. Et donc, dans le jeu politique de la Russie, par exemple, la Grèce est un pion essentiel pour essayer de tourner ce verrou des détroits. Pour l'Angleterre, qui conquiert à ce moment-là l'Empire des Indes et qui va prendre la maîtrise de Chypre en 1878, puis du canal de Suez. La Grèce est évidemment dans un monde où il faut charbonner, c'est-à-dire où il faut faire des escales à ces bateaux de guerre pour les recharger en charbon. La Grèce est un pion absolument indispensable en Méditerranée. Vous avez l'escale de Gibraltar, l'escale de Malte, et puis vous avez la Grèce, Chypre, Suez. Donc on a ce jeu absolument fondamental entre l'Angleterre et la Russie pour le contrôle de la Grèce. Et tout ça fait que les Grecs sont très peu maîtres de leur destin, même s'ils disposent de leur indépendance théorique à partir de 1830. Et puis en même temps, comme le disait Sophie Boutillier, il y a une conjoncture internationale, il y a une conjoncture économique. Et en réalité, la Grèce tente de se moderniser un peu à contre-temps à chaque fois de la conjoncture économique générale. À partir de 1870, on entre en Europe occidentale dans ce qu'on appelle la longue dépression. Et c'est le moment où la Grèce va avoir un gouvernement modernisateur, le gouvernement de Charilaos Trikoupis, qui va essayer de financer le développement du pays en construisant des chemins de fer, en modernisant les ports, en creusant le canal de Corinthe. Mais comme il n'a pas les moyens avec ce petit pays de le financer par ses ressources propres, il va le financer par l'emprunt. Et au final, comme on est dans une période de récession longue en Europe occidentale, les exportations grecques, et notamment à l'époque les exportations de raisins de Corinthe, qui ont connu un boom absolument incroyable à cause de la popularisation du pudding en Angleterre et à cause du phylloxéra en France, tout d'un coup, ces exportations de raisins secs qui étaient la principale ressource de l'économie grecque vont s'effondrer. Et à partir de là, va arriver le deuxième défaut de paiement de la Grèce, avec un déchaînement incroyable de la presse de certains pays, et notamment de la presse allemande en 1897. Vous me direz que l'histoire ne se répète jamais. Et cette presse allemande va à ce moment-là demander un contrôle absolu des finances grecques par par une commission de représentants des puissances. Donc, si vous voulez, on a toujours, en fait, quand on regarde le temps long, on a toujours un décalage entre les rythmes de modernisation de la Grèce et la conjoncture internationale. Et c'est de là, bien plus que de l'incompétence des Grecs à gérer leurs finances, dont parlait de moi à bout dans ce texte que vous avez cité au début, c'est bien plus de ce décalage que d'une prétendue incompétence des Grecs à gérer leurs finances que viennent ces problèmes de récurrents de contrôle des finances grecques. On pourrait dire la même chose, mais on va probablement en reparler, du troisième défaut de paiement qui a lieu après la crise de 1929. Oui, parce que l'histoire de la Grèce est une histoire de défaut de paiement. Et quand il est question de ce décalage, d'ailleurs, Sophie Boutillier, nous pouvons évoquer un autre décalage, c'est que les puissances européennes soutiennent la Grèce dans un mouvement des nationalités, d'un peuple qui veut son pays, avec ce décalage d'imposer un souverain étranger, nous l'avons dit, avec Othon, un bavarois dans un premier temps, après sont des Danois qui arrivent. Décalage. Oui, complètement. Et puis aussi, justement, comme le disaient aussi les Grecs, on s'est débarrassé, entre guillemets, des Ottomans et on nous place des Bavarois. Hein. Et c'est aussi avec Otho Ier que Athènes, qui était un petit bourg de rien du tout, devient la capitale de la Grèce, hein, puisque avant c'était Nauplie. Et tous les grands bâtiments qui existent à l'heure actuelle à Athènes, hein, en premier lieu, donc l'Assemblée nationale, ou l'université, ont été construits au cours de cette période par rapport, et là, ça fait peut-être aussi un lien avec la première émission que vous avez réalisée sur la Grèce. Grèce, un lien avec cette Grèce fantasmée telle qu'on pouvait se la représenter au XIXe siècle via l'image de la Grèce, de la Grèce antique. Et par rapport à ça, pour rebondir donc sur les propos d'Olivier Delorme, il me semble qu'il y a bien sûr, un décalage, et ça je suis tout à fait d'accord avec lui, entre la situation économique de la Grèce au moment de l'indépendance, qui est vraiment un pays arriéré sur le plan économique, et de l'autre côté, les grandes puissances européennes qui sont en plein dans un processus de révolution industrielle, qui sont en train de se développer sur le plan technologique et scientifique, et la Grèce n'a absolument pas les moyens de poursuivre cette dynamique, d'autant que c'est un pays aussi peu peuplé, avec une population largement illettrée. Et il y a, disons, par rapport à ce qui a été dit, trois périodes, moi, qui me semblent importantes, et trois hommes qui ont déjà été, dont l'un a déjà été évoqué par Olivier Delorme. Donc le premier, c'est Capodistria, donc c'est le premier gouverneur de la Grèce. Le deuxième, c'est Trikoupis, et le troisième, c'est Venizelos, donc un petit peu plus tard. Et il me semble, enfin en tout cas moi, c'est la lecture que je fais, y compris avec mon collègue Dimitri Ouzounidis, de la situation économique de la Grèce, que à chaque fois qu'il y a eu une espèce de sursaut visant à helléniser l'économie grecque, eh bien ça n'a pas marché. Capodistrias, bon, il y a aussi des raisons internes, c'est pas simplement les grandes puissances, mais a été assassiné. Trikoupis, a dû, entre guillemets, déposer les armes face à la banqueroute. Et puis, un peu plus tard, Venizelos, lui aussi, dans un élan modernisateur, a été aussi confronté à une situation de cessation de paiement, enfin, et à une crise politique grave également, puisqu'il a dû partir en exil en France. Donc, vraiment, on a des forces en présence, on va dire, bon, peut-être que, bien sûr, dès le début, les dés étaient jetés pour que ce processus d'indépendance ne puisse pas se concrétiser. Et vraiment, on a des épisodes comme ça au cours de l'histoire de la Grèce moderne qui me semblent particulièrement significatifs de cette situation. En 1830, c'est l'État grec qui naît. Mmh. Dans les années 1850, c'était Edgar Quinet. Edgar Quinet, l'historien, qui réfléchit à la Grèce. La Grèce, si elle est quelque chose, est un État maritime. Et c'est ce que l'Angleterre ne veut pas. La puissante Angleterre, la chrétienne Angleterre, a fait tout ce qu'il fallait pour étouffer au berceau le peuple qui venait au monde. À peine né, elle le rançonnait déjà, elle l'emprisonnait pour dette. Dans cette situation, que faire? Que devenir? Recevoir la vie à condition de ne pas en user. Tel est jusqu'ici le sort de la Grèce sauvée. C'est Daniel Koenigsberg qui était Edgar Quinet dans le cours de l'histoire. Pour cet avertissement qui a été ajouté à l'ouvrage d'Edgar Quinet, La Grèce moderne et ses rapports avec l'Antiquité, Edgar Quinet rajoute cet avertissement en 1857. Olivier Delorme, très pertinent de voir que les contemporains sont extrêmement conscients du jeu qui se joue autour de la Grèce. Cette aide n'est pas une aide, ces emprunts ne sont pas là pour aider un pays, mais c'est aussi pour le garder dans son escarcelle. Oui, absolument. Ce texte de Quinet est absolument remarquable. Et il montre bien comment la stratégie anglaise est absolument fondamentale dans ce processus. Vous savez, il y a un moment, une affaire qu'on appelle l'affaire Pacifico, qui est une affaire montée de toutes pièces par l'Angleterre, et qui permet à l'Angleterre de mettre la Grèce pendant quelques mois sous blocus total, et de lui dicter ses conditions au gouvernement grec, qui était rétif à exécuter les volontés de l'Angleterre. Il y a un autre moment où on parle en Grèce d'un gouvernement d'occupation, alors que c'est un gouvernement grec. Et je voudrais revenir un moment juste un instant sur la période de l'immédiate indépendance, parce que il y a quelque chose qui est absolument, qui moi, quand j'ai écrit La Grèce et les Balkans, m'a absolument fasciné. C'est que dans les premières années de l'indépendance grecque, le journal officiel grec est publié en allemand en même temps qu'en grec. C'est pour vous dire qu'il y a en Grèce, et jusqu'à aujourd'hui, pas un problème, pas fondamentalement, il y a aussi un problème de gestion des finances, mais un problème de consentement à l'impôt. Parce que, en réalité, l'État grec a été, d'une manière quasi continue, sauf sous Capodistria, sous Trikoupis, sous Venizelos, comme le disait Sophie, et un peu après la chute des colonels dans la période qui va jusqu'au milieu des années 80, à l'exception de ces très courtes périodes, on a des gouvernements qui sont sous influence étrangère. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Révolution grecque qui s'appelle Makrianis, qui est un illettré, mais un illettré qui écrit ses mémoires dans une écriture phonétique, parce qu'il veut pas passer par le filtre d'un lettré qui déformerait ses propos. Et Makrianis dit à propos de la période qui suit l'indépendance: ils accordent des prêts en monnaie de singe, et nous sommes 800 000 Grecs qu'ils persécutent au lieu de les laisser vivre en paix dans le concert des nations. Alors bien sûr, c'est dit sous une forme très très très très très vigoureuse, mais il y a là une vraie question. Après, il y a le problème, comme je vous le disais, d'un problème de consentement à l'impôt sur les ressources de l'État grec. Et en réalité, ce problème de consentement à l'impôt est lié à la légitimité de l'État grec. Et donc, si l'État grec n'est pas légitime, le consentement, si l'État n'est pas légitime, le consentement à l'impôt est faible. Et plus l'État est illégitime, plus l'État défend des intérêts étrangers plutôt que les intérêts des Grecs, plus le consentement à l'impôt est faible. Et donc, ça, c'est un problème fondamental que la politique de la Troïka européenne, pour revenir sur des choses plus récentes, n'a fait qu'aggraver. Parce que, en réalité, c'est l'ultime épisode depuis la guerre d'indépendance dans lequel des États étrangers s'arrogent le droit de gérer les finances des Grecs à la place des Grecs et de dire ce qu'ils doivent dépenser, pourquoi, comment, etc. Et donc, si vous voulez, à partir de là, vous avez effectivement un consentement à l'impôt en Grèce qui est faible. S'ajoute à ça, évidemment, des problèmes intérieurs. Quand on parle de Capodistria, si Capodistria est assassiné, et il est assassiné par des Grecs, c'est parce que il veut créer un État moderne à la française centralisé qui lève l'impôt, alors que les magnats du Péloponnèse, les gens qui levaient l'impôt pour le compte des Ottomans, entendent garder la ferme de l'impôt et entendent garder pour eux une partie des impôts. Donc, si vous voulez, vous avez une imbrication entre les intérêts économiques et sociaux d'une partie de la population grecque et les problèmes financiers récurrents de la Grèce. Et ça, vous le retrouvez également tout au long de l'histoire. C'est-à-dire que la bourgeoisie grecque, ou la partie dominante de la bourgeoisie grecque, n'a jamais été une bourgeoisie nationale qui a voulu développer le pays. Elle s'est vue, et elle continue à se voir en partie, comme un relais de la domination étrangère. On dit en langage marxiste, je suis pas marxiste, mais c'est une boîte à outils souvent intéressante, que c'est une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire que c'est une bourgeoisie qui fait ses affaires à l'extérieur et qui, à l'intérieur, sert de relais à une puissance étrangère dominante. Donc voilà, vous avez tous ces problèmes-là qui sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus profonds dans l'histoire grecque que l'histoire de dire les Grecs ne sont pas capables de gérer leurs finances. De faillite en faillite, une histoire grecque. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Soviet suprême, ruiné comme Athènes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes. La Grèce, une histoire de faillite. Sophie Boutillier, au 19e siècle, et cela a été parfaitement expliqué par vous-même et par Olivier Delorme, l'impôt a du mal à rentrer pour plusieurs raisons. Il y a cette pression étrangère et puis il y a des guerres. Le 20e siècle, c'est la même chose en fait, le cocktail est toujours là. Oui, oui, le cocktail est toujours là. Mais si vous le voulez bien, je voudrais revenir au 19e siècle. Justement par rapport à une question qui a été évoquée par Olivier Delorme sur le consentement des Grecs à l'impôt. Parce que par rapport à ça, il y a un point qui me semble vraiment très important et qu'on n'a pas évoqué, c'est la question du clientélisme. Hein, parce que bien souvent aussi, on met l'accent sur le fait que on a une espèce d'état tentaculaire, hein, aujourd'hui encore en Grèce, avec un tas de fonctionnaires qui ne servent à rien. Et ça, justement, il y a, disons un processus. Hein, l'histoire explique bien cette situation, puisque là aussi, c'est même Othon Ier hein, qui va profiter de cela, hein, en développant donc une forme de clientélisme hein, vis-à-vis justement des trois grandes puissances. Il va y avoir progressivement le parti des Français, le parti des Anglais, le parti des Russes. Hein, et par rapport à cela, comme la Grèce est démunie sur le plan économique, hein, et dans l'incapacité de produire les richesses nécessaires au bien-être de sa population, eh bien, l'une des opportunités qui se présente pour la population, c'est d'essayer de décrocher un poste de fonctionnaire. Et à l'époque, il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'examen. Ça se fait en étant, proposé par Un cousin. Un cousin, on va dire, un député, un personnage de ce type. Et ce qui est intéressant, c'était Andreas Papandreou, le fondateur du PASOK, un petit peu avant, puisqu'à chaque fois, il y a Andreas ou Georges. Andreas Papandreou, qui, avant de devenir Premier ministre grec dans les années 80, avait fait une carrière aux États-Unis en tant que professeur d'économie, dans une optique plutôt keynésienne. Il avait publié aussi un livre qui s'appelle « L'État paternaliste », où il explique en partie ce processus. Et donc, moi, ça me semble aussi très important, justement, de revenir... Vous êtes historien, moi, je suis économiste, donc j'ai une vision peut-être un peu différente, mais je pense qu'il est vraiment fondamental. Souvent, on accuse les économistes d'être myopes, et le long terme, c'est au-delà de 5 ans. Et justement, en comprenant, en analysant l'histoire de la Grèce depuis le début du 19e siècle, de tout ce long processus d'indépendance, eh bien, on voit aussi que, justement, pour revenir au 20e siècle, puisque les choses vont se reproduire de la même façon au 20e siècle comme au 21e, eh bien, tout ceci, on le comprend, justement, en revenant sur l'histoire et en essayant donc d'analyser les différentes composantes qui permettent de comprendre cette évolution. Excusez-moi. Sophie Boutillier, effectivement, vous êtes économiste, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université du Littoral Côte d'Opale, c'est dans les Hauts-de-France, en l'occurrence, vous, c'est à Dunkerque. Vous avez écrit « La Grèce dans tous ses états ». Vous avez écrit avec Dimitri Ouzounidis aussi « La Grèce face à l'Europe ». Olivier Delorme, la Grèce et les Balkans, cette histoire sur le temps long. Nous avons en fait ce mouvement sans cesse. Alors, moi j'ai évoqué l'impôt qui a du mal à rentrer, la pression étrangère, la guerre. Sophie Boutillier a ajouté le clientélisme. Ces phénomènes-là sont des phénomènes du 19e siècle qui se prolongent encore au 20e siècle. Elle a absolument raison de parler Sophie a absolument raison de parler du clientélisme. Il faut ajouter que le clientélisme, c'est quelque chose qui est propre aux États pauvres. C'est-à-dire que plus vous appauvrissez, plus vous avez un État pauvre, et plus vous avez un État où l'État social n'existe pas, et plus le clientélisme se substitue et le rousfeti, comme on dit en Grèce, c'est-à-dire le piston, se substitue au droit du citoyen. Et donc, moins vous avez de droits, plus vous avez de clientélisme. Et si on veut faire le lien avec la situation actuelle, plus vous faites maigrir l'État social grec, et plus par le même moyen, vous faites grandir la relation clientéliste. C'est-à-dire que plus les gens sont en situation d'insécurité, et plus ils vont chercher à se réassurer par un poste de fonctionnaire dans lequel ils seront plus ou moins compétents et plus ou moins présents dans ce poste. Donc si vous voulez, tout ça pour vous dire qu'en réalité, la politique menée par la Troïka européenne n'a fait qu'aggraver les problèmes de la Grèce plutôt que de les régler. Il y a un sociologue qui parle à propos de Grèce, qui parle à propos de la Grèce d'état poule plutôt que d'état social, c'est-à-dire un état qui va échanger des services contre le vote. Et donc ça c'est une réalité absolument fondamentale. Et on voit bien, je vous disais tout à l'heure que la Grèce était toujours à contre-temps du mouvement général de l'économie et du mouvement général de l'Europe occidentale, et que ce décalage créait des dysfonctionnements. On le voit après la Première Guerre mondiale, si vous voulez, au moment où l'ensemble de l'Europe occidentale se reconstruit. Et dans les années folles, une période d'optimisme et de relative prospérité économique, la Grèce, elle, est toujours en guerre. Et elle ne sort de la guerre qu'en 1923, c'est-à-dire qu'elle a un cycle de guerre de 1912 à 1922, c'est-à-dire qu'elle sort de la guerre en 1923, et elle sort de la guerre en 1923 avec un flux de 1,5 million de Grecs chassés d'Asie mineure à ce moment-là et qui arrivent dans un pays de 7-8 millions d'habitants sans rien et qu'il va falloir recaser, qu'il va falloir faire vivre dans un pays qui est déjà pauvre. Donc au moment où l'Europe occidentale connaît les années folles, la Grèce, elle, connaît ce qu'on appelle la grande catastrophe ici, avec des déséquilibres économiques et sociaux. Et il y a seulement 6 ans entre l'après-guerre grecque et la crise de 29, qui va être d'une violence incroyable en Grèce, parce que la Grèce est encore un pays rural, qu'elle exporte du coton, du raisin, du tabac, et que ces denrées ne sont pas du tout des denrées de première nécessité. Donc leur prix, du fait de l'effondrement de la demande en Europe occidentale, va s'effondrer, alors que les produits dont la Grèce a besoin, qui sont des produits industriels, ces prix baissent du fait de la crise, mais beaucoup moins. Et donc là encore, on a un déséquilibre qui s'installe et qui va expliquer le défaut de paiement qui intervient en 32 sous Venizelos. Et puis après la guerre de 45, de 39-45, la Grèce est un pays totalement détruit par l'occupation allemande, qui a été une des plus destructrices et une des plus sauvages d'Europe occidentale, et avec une famine incroyable à l'hiver 41-42. Et au moment où l'Europe occidentale est dans les Trente Glorieuses et construit son État social, la Grèce, elle, va avoir un régime autoritaire qui ne va pas construire de l'État social et qui va prolonger un peu plus cet État clientéliste. Ah, mais attendez, je vous coupe, Olivier Delorme, parce que vous avez évoqué cette situation de la Grèce après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais un peu d'argent arrive. Eh bien, nous voudrions vous demander ce soir de nous dire si, à votre avis, la démission de M. Clayton et le discours du général Marshall sont de nature à changer quelque chose dans la question de l'aide américaine à l'Europe. Et si vous le voulez, nous passerons d'abord la parole à Geneviève Tabouy. Il ne me semble pas que la démission de Clayton puisse changer quoi que ce soit à l'aide que l'Amérique va nous apporter. Roger Massip. En tout cas, je crois qu'il y a un point à souligner dans cette discussion. Ne nous étonnons pas trop des lenteurs de l'Amérique à nous prêter de l'argent. Je n'ai pas les chiffres présents à la mémoire, mais c'est de l'ordre de 20 milliards de dollars. C'est une somme considérable. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un peuple démocratique, n'est-ce pas, où l'opinion a son mot à dire, puisse, du jour au lendemain, d'un trait de plume, décider qu'elle va abandonner 20 milliards de dollars pour un continent, somme toute, assez lointain, où il se passe des choses sur lesquelles ils sont assez mal informés. René Lhermitte. Je ne sais pas dans quelle mesure le peuple américain a été consulté lorsque le gouvernement américain a décidé d'envoyer du matériel et de faire des aides financières importantes à la Grèce et à la Turquie. Voilà, il est question du plan Marshall. Nous étions en 1947 dans la Tribune de Paris. Sophie Boutillier, là aussi, intervention étrangère, mais pour l'ensemble de l'Europe, pour la Grèce en particulier, où il y a une guerre civile avec les communistes. Ce sont des constantes grecques. L'économiste que vous êtes considère la Grèce comme un cas d'école. D'erreurs accumulées. C'est difficile de parler en termes d'erreurs parce que c'est justement la difficulté que l'on peut avoir à expliquer des phénomènes économiques parce que, bien sûr, il n'y a jamais une cause, une conséquence. C'est toujours une pléthore de raisons qui permettent d'expliquer un phénomène. Et comme on l'a dit depuis le début de cette émission, voire aussi hier quand vous êtes revenu sur le processus de l'indépendance, il y a eu, d'une certaine façon, donc un mauvais pli, si j'ose dire, dès le départ, dès la création de l'État grec et même avant, hein, puisque d'emblée le gouvernement grec s'endette pour faire face à ses besoins. Et donc petit à petit, après la guerre civile, qui est aussi un moment très douloureux, parce que c'est quand même la Grèce, c'est le seul pays, disons, qui a connu l'occupation allemande, où donc l'armée soutenus par les communistes, disons, les résistants sont rejetés, hein, et doivent s'exiler. Ce sera qu'à partir des années 80 qu'ils auront le droit de revenir en Grèce. Donc comment vous pouvez aussi imaginer ça, un pays où donc qui a résisté, hein, contre l'occupant allemand, et ces résistants sont rejetés après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on pourrait revenir aussi sur les accords de Yalta et les négociations qu'il y a pu avoir entre Churchill et Staline à propos de la Grèce. Et donc, véritablement, comme l'Angleterre est affaiblie après la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez dit, avec le plan Marshall, ce sont les États-Unis qui prennent le relais du protectorat, entre guillemets, grec. Et bon, Sophie, avec des guillemets. Hein. Avec des guillemets, bien oui. sûr, mais Sophie Boutillier, pour terminer cette émission, il faut évoquer l'Union européenne, l'entrée de la Grèce dans l'Union européenne en 1980, c'est un changement. Enfin, la discussion en 80 porte déjà ça pour l'entrée en 81. Et là aussi, c'est l'Union européenne qui joue le jeu d'une longue continuité. Oui. Voilà, exactement. Qui reprend donc le flambeau après les États-Unis. Hein. Donc, on reste toujours dans une situation donc de dépendance. Et puis les mêmes, on va dire les hein, l'histoire bégaye. On parlait du marxisme tout à l'heure. Ben, on peut encore évoquer Marx. Hein. Et donc l'histoire bégaye. Et donc toute chose égale par ailleurs. Les mêmes phénomènes se produisent. Et là, donc, depuis la crise de 2008, l'économie grecque est toujours beaucoup plus pauvre, hein, qu'il y a plus de 10 ans. Et on voit mal comment ce pays peut s'en sortir par ses propres ressources. Ça, c'était aussi Keynes, hein, dans Les conséquences économiques de la paix, hein, publié en 1919, qui l'avait bien souligné à propos de l'Allemagne. Comment voulez-vous, assurer le développement économique d'un pays à partir du moment où vous allez le soumettre à une politique d'austérité qui va l'empêcher de développer son activité économique? Des questions d'histoire pour l'actualité évidente de la Grèce, qui surgit régulièrement. Merci beaucoup à vous, Sophie Boutillier. Et je rappelle, hein, la Grèce et les Balkans, la Grèce et les Balkans, la Grèce dans tous ses états et la Grèce face à l'Europe. La Grèce et les Balkans, c'est votre somme à vous, Olivier Delhomme. Merci vivement à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel et le pourquoi du comment. Pourquoi critiquer le célibat des prêtres ? Dans une tribune publiée le 21 août 2018 dans Le Monde, l'écrivaine Nancy Houston affirmait que le célibat des prêtres catholiques était la cause principale des abus sexuels commis par des ecclésiastiques. En conséquence, elle demandait au pape François de lever l'injonction au célibat des prêtres, car l'Église ne peut pas demander, je la cite, à des individus normaux une chose anormale. Les prêtres ne sont pas chastes, ils n'arrivent pas à l'être, il faut en prendre acte. La mise en cause du célibat des ecclésiastiques catholiques n'est pas un phénomène nouveau dans le débat public français. Au XVIIIe siècle, cette question avait déjà fait couler beaucoup d'encre, mais pour des raisons très différentes de celles d'aujourd'hui, comme nous allons le voir. À cette époque, la question qui agitait les esprits était d'ordre démographique. Montesquieu fut l'un des premiers philosophes à alerter ses contemporains sur les risques que présenterait l'affaiblissement de la natalité pour ce qu'il appelait la propagation de l'espèce humaine. La dépopulation de l'univers est abordée dans le dernier tiers du livre 23 de l'Esprit des Lois. Selon lui, les principes de la religion ont énormément influé sur la propagation de l'espèce humaine. Tantôt, ils l'ont encouragée, comme chez les Juifs, les Mahométans ou les Chinois. Tantôt, ils l'ont entravée, comme ce fut le cas chez les Romains devenus chrétiens. Ces derniers n'ont cessé de prêcher partout la continence. Mais il s'agit là d'une vertu tellement parfaite, ajoute Montesquieu, qu'elle ne doit être pratiquée que par très peu de gens. Le célibat ascétique, chrétien ou non, a séduit les hommes parce qu'ils réclamaient un effort. Voilà pourquoi ils devraient être conseillés au lieu d'être prescrits, comme ce fut le cas dans les premiers temps du christianisme. C'est ce raisonnement